Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Elmanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur la zone de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé, une émission pleine de joyeuses petites nouveautés une fois de plus. On retrouve les vétérans du grindcore finlandais de Rotten Sand, Megaton Sword, Hellcrash, Elifron, Ordeli, etc. Voilà quelques nouveautés qu'on va s'égrener tout au long de l'émission de ce soir. Et d'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui ouvre avec une nouveauté, Rotten Sand. Donc, trois décennies que les grindcoreux finlandais nous martèlent de leur son ultra puissant et typiquement reconnaissable. Voilà, ce huitième effort studio voit le jour chez Season of Mist, 7 ans qu'il n'avait rien sorti en format studio longue durée. Tout juste un petit EP en 2018. Voilà, ce nouvel opus porte très bien son nom, hein, toujours l'ultra bagarre et la violence absolue. 18 titres pour 20 minutes, on est sur du grindcore ultra efficace. Ce nouvel effort studio de Rotten Sand s'intitule sobrement Apocalypse, dispo le 31 mars via donc Season of Mist. On s'écoutera la doublette Suburban Bliss et Renewables. En doublette avec les Finlandais, nous aurons le One Man Band écossais de Hellripper. L'excellent groupe de heavy speed trash blackisant. Voilà, nouvel effort studio Warlock Grim and Withered Eggs, une sortie Peaceville Records. Le projet est hyper prolifique et extrêmement qualitatif. Voilà, on en est déjà au troisième effort au studio pour Hellripper. Et on s'écoutera vite The Hissing Marches. C'est parti, Rotten Sand, Hellripper, bienvenue dans l'émission de ce soir. Oh, Justiciary Insomnium, c'est la doublette suivante. Deux salles, deux ambiances et même deux continents différents sont représentés dans la doublette à venir. Judiciary, tout d'abord, groupe de metal hardcore qui nous vient du Texas. Ils sortent là leur second effort studio, 4 ans après le tout premier album longue durée. Le groupe est toujours présent chez Close Casket Activities. Et voilà, le dernier effort studio est vraiment bien efficace. 10 compos pour une trentaine de minutes, d'un mélange toujours terrible de trash et de hardcore. Ça défouraille sec. Insomnium, ensuite l'excellent groupe de mélodes finlandais, vétérans de la scène, hein, 25 années d'existence au compteur. Ils sortent là leur 9e effort studio. Toujours une absolue réussite, les productions studio de Insomnium. A noter que c'est le premier effort studio à 3 guitaristes. Judiciary, on s'écouterait le titre Obsidian, extrait d'album Flesh plus Blood. Insomnium, The Witch Hunter, extrait d'album Anno 1696. C'est parti. pub est suivante, toujours dans le renouveau de cette scène core américaine Zulu, le groupe de hardcore Power Violence avec plein d'inspirations afro-américaines au niveau des inspirations musicales, hein, ça va chercher dans les samples de soul, de reggae, de hip-hop. Sauf qu'à côté de ça, ça tabasse en mode ultra-violence avec la pure sauce beatdown américaine rehaussée de Power Violence. Voilà, la formation californienne nous sort là son premier album studio longue durée après une série de 2 EP. En doublette avec Zulu après El Reaper, on passe maintenant à El Crash, le groupe de Speed Black et G-Speed, formé en 2013, signé actuellement chez Dying Victim. Voilà, la formation italienne, un petit trio bien infernal qui joue forcément en mode ultra speed, inspiré par les Motorhead, Premier Venom et autres Bulldozer, hein, principale influence pour les Hellcrash que les compatriotes de Bulldozer. C'est true metal, c'est bas du front, c'est hyper intense et on prend une bonne grosse déferlante de heavy metal old school sans aucune forme de concession. Et ça le fait parfaitement. Zulu, Faking That Funk, You Could Get It, extrait d'album A New Tomorrow. Hellcrash, Occult Hammer, extra album Demonic Assassination. On vous a dit que c'était cliché ou pas? Bon, bah c'est fait. We'll be right back. pour la suite, encore une nouveauté dans la doublette à venir. Tout d'abord, Alifron, nouveau projet qui nous vient des Pays-Bas. C'est un nouvel effort musical qui réunit des icônes expérimentées de la scène néerlandaise. Cependant, on a notamment l'actuel batteur de God Dethrone et deux anciens membres du groupe Isgrim, un groupe de thrash death à chanteuse qui est actif pendant plus de 25 ans et qui a splitté en 2020. Pour la petite histoire, Isgrim était signé chez Listenable Records, Alifron reprend un peu le deal, et au passage évolue musicalement. La chanteuse a un timbre toujours bien hargneux et très convaincant, sauf que là on est sur un death symphonique assez grandiose, ça va chercher d'ailleurs dans les inspirations à la Dimmu Borgir ou autre Cradle of Filth, un rendu assez épique et très très bien pensé. Et on est dans le Epic, toujours avec maintenant Gatekeeper, formation de Heavy qui nous vient du Canada. Heavy Epic est actif depuis 2009, ils sortent là leur second album studio. Ça s'inscrit dans la lignée d'un Eternal Champions ou autre Visigoth. C'est plutôt dynamique, c'est tubesque et légendaire à souhait. Et dès l'arrivée d'un nouveau chanteur chez Gatekeeper. Alifron, on s'écoute le titre Human Inferno, extrait de l'album sobrement intitulé Prey, dispo le 31 mars chez Listenable Records, en doublette avec Gatekeeper, Death on Black Wings, extrait de l'album From Western Shores. Notez une sortie sur le très très bon label Cruz del Sur Music. C'est parti. suite, pas de nouveauté, mais une doublette américaine avec Fin tout d'abord, groupe de punk hardcore qui nous vient de Denver au Colorado. On est vraiment sur du punk hardcore très punk, à chanteuse. On peut rapprocher ça un peu d'un Year of the Knife, mais en quand même vachement moins agressif. 8 compos pour une moyenne de 2-3 minutes, c'est bien énergique, expéditif, ça va à l'essentiel. En doublette avec Fin, on retrouve Ultar, excellent groupe de Black Death, signé chez Tony Buckspin Records. On retrouve une double sortie d'album, hein, parce qu'on est sur un album, on va dire, un peu plus classique, et ensuite un album avec seulement 2 morceaux, mais d'une vingtaine de minutes chacun, qu'on ne pourra pas diffuser juste par praticité, ça ferait faire un editing un peu trop violent. Excellent mix donc de Black Death, complexe, nuancé, gros travail sur le riffing, et on alterne les passages blastés ultra frénétiques avec des passages rampants et gênants. C'est intense, c'est vraiment bien chiadé la musique de Ultar, et ça nous vient des US. Fin, le titre Boys Will Be Boys, extrait de l'album Your Life and Nothing Else. Ultar, Coagulation of Forms, extrait de l'album Astronomicon. C'est parti. We'll be right back. Vous êtes toujours sur les ondes du 93.6 à l'écoute de l'émission Hellbanger, la séquence métal du dimanche soir sur les ondes donc de Radio Béton. Et c'est l'heure tout de suite d'attaquer l'aspect française avec la doublette d'ouverture de cette séquence hexagonale par Sortilège et Gorod. Sortilège tout d'abord, bien sûr, la légendaire formation de Heavy des années 80 qui revient avec un nouvel effort studio et un line-up totalement remanié. A noter que le seul Zikos d'origine, c'est le père Christian Zouille derrière le micro. En doublette avec Sortilège, donc Gorod, l'excellent groupe de progressif tech death qui nous vient de la région bordelaise. 7ème effort studio, 8 morceaux plus une cover des Doors. Voilà, un album plutôt frontal dans l'approche, mais toujours très très riche, soigné et travaillé dans la technicité et l'approche globale. Voilà, au niveau donc de ce qu'on va s'écouter, Sortilège, le titre Valkyrie, extrait de l'album Apocalypso, Gorod, ensuite l'album The Orb, et on s'écoutera le titre Where the Sun Gods, c'est parti.